boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Juliette Senzelix qui nous baladait dans son purgatoire du blues pour nous introduire dans une heure de pop and rock. Une heure pendant laquelle je vais vous mélanger des titres qui viennent de sortir en 2021 avec des standards de pop and rock. Et pour rester au niveau de la folle Juliette, je vous lance une petite nouveauté, groupe que je découvre avec vous. Le groupe c'est Yumi at Six, le morceau qui va vous faire sautiller voire pogoter, c'est Nice to Me. See ya! Ce soir dans Pop and Rock, c'est énergie à profusion, bonnes ondes musicales. Si j'avais signé le serment d'Hippocrate, je prescrirais beaucoup de musique pour lutter contre la morosité. Fermez les yeux et prenez une grande dose de Clap Your Hands, Say Here, avec leur nouveau titre, Hesitating Nation, ou comment aborder des thèmes tristes avec légèreté. Panic, deep sea diver, advertising, moving with the underwater fire, state sponsored pollution, closing our eyes, blinded a town, hoping the mama does not see us now. We become the world's first millionaire. You know, the ones who just don't care. Can't even taste it, but it's really nothing new, and it smells. Compromise with subtleness of confusion. Holidays are working days to us now. We are lifting dead weight and embracing self doubt. The shirt with the ones in the car is not running. The policeman laughs, but it's really not funny. Who will save me when I'm feeling this down? All God's children are useless to me now. We have come for solitary fun, debonair. You know, for the ones who just don't. Cette vibration pleine de joie, si on se faisait un petit New Order. Summer. Premier oldies but goldies de notre heure pop and rock'n, c'était à l'instant les fils illégitimes de Joy Division. D'ailleurs, quand je sens le parfum de New Order, je pense aux Smiths et plus précisément au dénommé Johnny Marr. Thank you. Comme promis ce soir, nous chevauchons les plaines de la musique pop-rock des années 80-90 jusqu'aux années 2020 et c'est d'ailleurs là que j'ai dégoté Gold Girl, piste 6 du nouvel album des 4 anglaises dans le vent qui, d'après ce que j'ai lu, ont échangé leurs instruments sur ce bel album sorti début 2021. Si vous aimez Sad Cowboy, que nous allons écouter, vous aimerez aussi le reste de l'album, notamment la piste 1 Pest, mais aussi Where Do We Go. Mais là, tout de suite, c'est Sad Cowboy des juvéniles anglaises de Gold Girl. Yeah. L'Angleterre nous offre depuis si longtemps toute la musique que j'aime, comme le dirait Johnny. La France est aussi capable de produire des perles, de Noir Désir à Gérard Manset en passant par Perlor Snacks et outre Manu Chao. La France est aussi capable de nous offrir des groupes soi-disant branchés aux albums remplis de titres insipides dans lesquels on trouve parfois une perle rare. C'est le cas de Marie Modiano et de son compère Peter Van Poel, qui dans une soupe douce mais sans sel, est capable malgré tout de nous offrir le titre A Song From The Other Side. Nous, en France, il y a une fille qui essaye de faire comme son père. Et vous savez quoi ? Parfois, ça marche. I saw somebody who reminded me of you before you got afraid. I wish that you could have stayed that way. Saw a little girl, I stopped and smiled at her. She screamed and ran away. It happens to me more and more these days. And these songs that you sing, do they mean anything to the people you're singing them to? $100 bills. If the cold doesn't kill her, none will. I read a magazine that said by 17 your life was at an end. I'm dead and I'm perfectly content. And these songs that I sing, do they mean anything to the people I'm singing? RVR vient de vous offrir La fille de l'homme à tête de chou avec le titre gainsbourgien The Song That We Sing. En voilà une belle perle. Allez, il est l'heure de notre deuxième dose de nostalgie heureuse. Le docteur de Pop and Rock préconise un petit R.E.M. pour relancer tous les copains et les copines de RVR. On écoute Orange Crush. Quelle belle remontée dans le temps pour ce qui est, d'après moi, le plus bel album de R.E.M. L'album, c'était Green, à écouter sans modération dans Pop and Rock sur RVR ou n'importe où ailleurs, pourvu que le son soit poussé à fond. Allez, on voyage dans le temps pour revenir en 2021 avec le dernier album de The Last Shadow Puppets. Tendez bien l'oreille, si vous êtes des fans de la série Peaky Blinders, ce morceau, ce groupe vous rappellera peut-être de bons souvenirs. The Last Shadow Puppets. lundis et tous les mercredis. J'espère que vous avez profité de ces dernières minutes parce que je viens de vous offrir mon titre préféré du moment, I Don't Belong, par les Irlandais de Fontaine's DC. Allez, pas de temps à perdre, on fonce maintenant sur le dénommé Eagle Eye Cherry pour poursuivre avec qualité notre 116e Pop & Rock. Light, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. wake up, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Vous êtes bien sûr RVR, la petite radio locale qui aime vous faire voyager dans tous les univers musicaux et dans pop and rock. La maison ne recule devant aucun sacrifice pour vous emmener en Alaska pour écouter Portugal The Man avec le titre Live In The Moment. Oh, Avant dernier morceau de notre pop and rock, c'était les Américaines de Warpaint avec le titre Elephant. Et qui dit avant dernier ne dit pas antépénultième, mais par contre annonce la fin, donc histoire de finir. Avec la fougue de Youth Me at Six qui avait lancé notre heure de pop and rock, on se quitte avec l'affolant, le sublime Get Off des Dandy Warhols. Et sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et bis à tous. Get off. Feel a moment like a real big baby. Oh yeah.